بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، لدينا عفوا، توقفنا عند اسم الوهاب أو بلوتو لا on s'est arrêté à الفتاح. نعم، donc là on poursuit inchallah, on va finir aujourd'hui. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرؤوف. الرؤوف بمعنى تقريبا الكومباتيسان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. Si n'avait été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, mais Allah est compatissant et miséricordieux. An-Nur, la lumière, verset 20. قال An-Nur, la lumière. من أسماء الله النور. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض. Que Allah c'est la lumière des cieux et de la terre. Verset 35. Et bien sûr, on précise que tous ces noms d'Allah Azza wa Jal يشرع التعبيد بها. Que tous on peut mettre عبد devant pour les avoir comme nom. عبد الرؤوف, عبد النور, عبد الفتاح, عبد التواب, غير ذلك. Abdurrahman, Abdullah. Et d'ailleurs, ce ta'bid n'est permis qu'avec le nom d'Allah. Le ta'bid avec autre que le nom d'Allah Azza wa Jal reviendra faire du shirk. ثم قال المقيت. قال الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقيتا. Et que Allah veille sur toute chose. Donc le muqit, ça sera le sens de celui qui veille sur tout. Qui observe, qui veille sur tout, n'am. An-Nisa. Les femmes, verset 85. Al-Wasi'a, qui a pour le sens le large. Comme a dit le Subhana, Wallahu wasi'un alim, que Allah est sage, ou plutôt large et omnipotent. Al-Baqara, la vache, verset 247. Al-Warith, qui est l'héritier, celui vers qui tout revient au final. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, tout lui reviendra à la fin. والدليل قول الله عز وجل ونحن الوارثون et c'est nous qui sommes les héritiers de tout. الحجر ou الحجر verset 23. ثم قال الأعلى qui veut dire le plus haut. الأعلى qui veut dire le plus haut. La dernière fois on avait pris العلي, vous rappelez العلي. Al-A'la, c'est son ism tafdil, son superlatif qui veut dire le plus haut. Al-Ali, c'est le très haut, et Al-A'la, c'est encore plus haut. Quand Allah Azza wa Jal, sabbih ism rabbika al-A'la, et purifie ton Seigneur le plus haut. Surat al-A'la, le plus haut, verset 1. Et ce verset, parmi les preuves que Allah Azza wa Jal n'est pas partout, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ni dans notre cœur, nulle part dans sa création, mais qu'il est au-dessus de sa création. D'une fouqiyya majhula fi d'une élévation dont le comment nous est inconnu. Al-Muhit, Al-Muhit, celui qui cerne toute chose, qui entoure toute chose. Quand Allah Azza wa Jal, Allah innahu bi kulli shay'in muhit, n'est-ce pas que Allah cerne toute chose, entoure toute chose. Fussilat, les détaillés, verset 54. Al-Allam, Al-Allam, ça a le sens de Al-Alim kazalik takriban, le très savant. قال الله سبحانه ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. N'ont-ils pas su que Allah connaît leurs secrets ainsi que leur entretien et que Allah est le grand connaisseur de l'invisible. علام. Surat al-Tawbah, le repentir, verset 78. Al-Musta'an, c'est celui auprès de qui on recherche l'aide. قال الله سبحانه وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Et que notre Seigneur est le Rahman, le tout miséricordieux, et celui auprès de qui on recherche l'aide, et qu'il est au-dessus de ce que vous, comment vous le décrivez. Al-Anbiya, les prophètes, verset 112. Al-Hadi, celui qui guide. Aqala subhana, wa inna Allah lahadi allazina amanu ila siratil mustaqim. Et que Allah, certes, et celui qui guide ceux qui ont cru vers le chemin droit. Al-Hajj, vers soit du pèlerinage, verset 54. Et ce nom-là, Al-Hadi, Yakhilef. Je sais que Cheikh Al-Othaymin, lui, voit que c'est pas un nom d'Allah Azzawajal, mais il voit que c'est une information, qu'on informe que Allah est celui qui guide. Mais que Al-Hadi, lui, voit pas que c'est un nom dans le verset. Al-Nasir, le secoureur. Quand la Subhana, Belillahu Maulakum, wa wa khayru al-Nasirin. Et que Allah, plutôt Allah, est votre secoureur, votre protecteur, et qu'il est le meilleur des secoureurs. Al-Imran, la famille d'Imran, verset 15. Al-Khalaq, le grand créateur, absolu. Quand la Subhana, Inna Allah wa al-Khalaqul Alim. Et que Allah est le créateur absolu, l'omniscient. Al-Hijj, verset 86. Al-Rafou. Al-Rafou, ça a le sens de Al-Rafour, le pardonneur, celui qui pardonne. Quand Allah Ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا. Et que Allah est pardonneur et omnipotent. Les femmes, verset 139. Al-Hakim. Al-Hakim, qui a le sens du juge, ou celui du sage. Quand Allah Subhana, وَاتَّبِعْ مَا يُحَا إِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Et suis ce qui t'a été révélé, et patiente, et endure. Et c'est ce que Allah juge, et il est le meilleur des juges. Yunus, verset 109. Al-Ghani, le riche, celui à qui tout appartient, la richesse absolue. Quand la Subhana, wa rabbuka al-Ghani yuzur rahma, et que ton Seigneur est le riche, détenteur de la miséricorde. Al-An'am, les bestiaux, verset 133. Al-Kafil, Al-Kafil, c'est un peu le sens de celui qui prend les choses en charge, à sa charge. Takriban. Comme un garant, un peu également. Ou comme un tuteur pour une créature. Par exemple, vous savez, ceux qui vont en Saoudie et qui prennent une nikama là-bas, le Saoudien qui leur donne une nikama s'appelle un kafil. C'est celui qui se porte garant pour toi, qui te tient sous sa responsabilité, par exemple, à l'échelle humaine. Quand Allah Ta'ala, وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Et que vous avez mis Allah sur vous justement comme garant. Vous avez pris Allah comme garant de ce que vous dites, de ce que vous faites. Et dans un hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit قَالَ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا. Et que Allah suffit justement comme garant. الْحَيُّ السِّتِّرِ. Et là, le hayy, c'est pas hayy dans le sens de vivant. C'est dans celui qui a de la pudeur, justement. Et c'est tir, et celui qu'on dirait qui se cache, qui se camoufle, qu'on ne voit pas. Ou qui camoufle les, plutôt qui camoufle les autres. Qui cache les autres. Quand là, وَاللَّهُ لَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. Que Allah n'est pas gêné de la vérité. Mais dans ce verset-là, il n'y a pas le dalil du nom de Al-Hayy al-Sittir. Il vient dans le hadith de Ya'la ibn Umayya. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حَيٌّ سِتِّيرٌ. Que Allah, justement, Al-Hayyun, dans le sens de la pudeur, sittir. Al-Musa'ir, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Raziq. Donc, Al-Musa'ir, celui qui établit les prix, qui donne la valeur aux choses. Al-Qabid, celui qui saisit, qui prend. Al-Basit, celui qui étend les choses. Et Al-Raziq, le pourvoyeur à la substance. Al-Razak, ça vient de Razik, sauf que Razak, c'est plus puissant encore. Yaqul, an Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qal Rasulullah, ou qal al-Nas, ya Rasulullah, ghala al-Si'r, fassari'r lana, faqal Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah wa musa'ir, al-Qabid, al-Basit. Selon Anas ibn Malik, que les gens ont dit, au messager d'Allah, que les prix ont augmenté, le coût de la vie a augmenté. Donc il a dit, fais-nous, établis-nous des prix, que l'on s'y tienne. Elle a dit dans le message d'Allah, alayhi salatu wassalam, que c'est Allah qui établit les prix. Et c'est lui qui saisit et c'est lui qui étend. ثم قال الرازق طيب سلفا لاسيدي حديث عفوا سي كوبي لا الرازق واني لارجو ان القي الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمه دم ولا مال. Donc on recommence le hadith. Il dit que Allah, c'est lui qui établit les prix, c'est lui qui saisit, c'est lui qui étend, c'est lui qui pourvoit la subsistance. Et certes, j'espère rencontrer Allah, c'est qu'aucun d'entre vous n'ait à me rendre des comptes, ou que je n'ai à rendre compte à quiconque pour une injustice dans les vies ou dans les biens. C'est-à-dire qu'ils viennent au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que personne, qu'ils n'aient lésé personne dans leur vie et dans leurs biens. Et tabaan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela ne lui arrivera pas. Car il était Kana Ardel Nas, c'était l'homme le plus juste qu'il y avait. Ou Atkan Nas, le plus pieux, le plus créatif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al Muqaddim, Al Mu'akhir, Al Qadir, Al Musa, Tayyib. Al Muqaddim, celui qui fait devancer les choses. Al Mu'akhir, celui qui fait tarder les choses. Al Qadir, l'omnipotent, celui qui a la capacité absolue. عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أخرجه أو متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم l'a dit, c'est toi qui fais avancer les choses et c'est toi qui les retardes et tu es capable de toutes choses. السبوح, السبوح c'est le purifié, le pur. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس أخرجه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم dans son inclinaison lors de la salat, il avait pour habitude d'évoquer Allah en disant سبوح qui veut dire le pur, purifié, وقدوس sanctifié, rapporté par مسلم. الرفيق, الرفيق ça a le sens du doux. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق ويحب الرفق في الأمر كله متفق عليه. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a dit à Aïcha que Allah est le doux et il aime la douceur en toutes choses. ثم الطيب le bon également. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا أخرجه مسلم. Selon Abu Huraira, que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit oh vous les gens, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Al-Hakam, Al-Hakam celui qui juge entre les gens. Chez la créature, c'est le sens de l'arbitre. Par exemple, une personne qui tranche. Donc on voit que c'est un sens de jugement par rapport à Allah Azza wa Jal. Al-Nabi Shureyh هاني ابن يزيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. Que c'est Allah justement qui juge et c'est vers lui que vient le jugement. Apporté par Abu Daoud wa Nasa'i. الشافي le guérisseur, celui qui apporte la guérison et autres. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا قال أذهب البأس رب البأس اشفي أنت الشافي. Lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم rendait visite à un malade, il disait fais partir le mal, tu es le seigneur du mal, de la maladie on va dire, guéris car c'est toi le guérisseur. Le hadith est de متفق عليه. ثم قال المعطي, je ne sais pas si on dit le donateur. On dit le donateur, il me semble. Celui qui donne, quoi, en fait. Par contre, je crois pas qu'on dit le donneur. Ça ne se dit pas le donneur. Dans mon oreille, ça sonne le donateur, plutôt. An Muawiya, radiallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المعطي وأنا القاسم متفق عليه. Il dit que c'est Allah qui donne et que je suis celui qui partage. Alhamdoulilah, il y a un frère qui me confirme qu'on dit bien donateur. Non. Ça sonnait pas à mes oreilles d'honneur, j'ai jamais entendu ce mot-là, ça me disait rien. Barakallahu fik ya khana. Non. Donc il dit que Allah c'est lui qui donne, c'est-à-dire c'est lui le donateur, et je suis celui qui partage. Pour dire que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné des biens à des gens, ils l'ont remercié, il leur a fait comprendre qu'en fait, à la base, cela vient d'Allah azza wa jalla, il ne fait que partager entre les gens. Al-Watar. Wad-dalilu al-hadith al-mazkour fi awwal al-asma. Al-Watar, c'est le witr, c'est l'impair. Et le hadith, le dalil, on a déjà cité au début. An-Allah witr, yuhib al-witr. Que Allah, il est impair et qu'il aime l'impair. Al-Tabib, qui est celui qui soigne. Al-Tabib, à la base, son créature, on dit le médecin. Yaqul an-Nabi, rimthah, قال النبي صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب أخرجه أبو داود. Donc il dit que Allah c'est lui le tabib. الجميل qui est le beau de la beauté absolue. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال أخرجه مسلم. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que Allah est beau et il aime la beauté. ثم قال المنان. المنان c'est celui qui gratifie, celui qui accorde et celui ouais on dirait comme ça takriban, celui qui gratifie, car à la base al-man, quand on dit à quelqu'un t'es un manan, c'est en fait c'est quand tu dis aux gens, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un et qu'après tu lui rappelles, c'est moi qui te donnais ceci, c'est moi qui te donnais cela. Hein? Ça, chez l'homme, c'est blâmable, c'est mauvais. Al-man, c'est ça. C'est rappeler aux gens les bienfaits qu'on leur a accordés. Mais dans le haq d'Allah Azza wa Jal, c'est un droit qu'il a de nous rappeler ce qu'il nous a accordé comme bienfait. Car c'est lui qui nous a tout donné. Vous voyez, dans le même verset, Allah Azza wa Jal nous dit de nous rappeler les bienfaits qu'il nous a donnés. Et que ces bienfaits sont indénombrables. والدليل عن أنس بن مالك قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان قال لقد سأل الله باسم الأعظم الذي سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Donc selon Anas bin Malik, qui dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم a entendu un homme dire oh Allah, je te demande par la louange qui te revient, qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de toi, seul, sans associé, et tu es le Mannan. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a cette demandé à Allah par son nom le plus grand, celui par lequel lorsqu'on l'on demande, il donne, celui par lequel lorsqu'on l'invoque, il répond. Et là, ce nom le plus azam, c'est pas le Mannan, c'est quand il dit Allahumma, c'est Allah azza wa jal à la cour de sahih. Il y a un khilaf, certains ulama disent que c'est Al-Hayyul Qayyum. Mais Al-Hayyul Qayyum, ça fait deux noms. Donc en réalité, c'est, comme dans d'autres athars, c'est venu, c'est Allah Azza wa Jal qui est le plus grand nom d'Allah. Wallahu ta'ala alam. Al-Sayyid, Sayyid qui est le maître. An-Abdillah ibn al-Shikhir. Qal, Kulna ya Rasulullah, anta Sayyid. Ou anta Sayyiduna. Faqala, Al-Sayyidullah, tabaraka wa ta'ala. Donc, que des sahaba ont dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi le maître. Il a dit le maître, c'est Allah. Mais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, il a dit un Sayyid ibn Adam, yom al-qiyama, wala fakhr. Il a dit, je suis le maître des fils d'Adam, le jour de la résurrection. Sans pour autant s'en vanter. Mais là, il a voulu fermer les portes au rouleau que des gens pourraient avoir par rapport à lui. Mais que le Sayyid, mutlaqan, le maître absolu, c'est Allah. Alors que lui, il a précisé qu'il était le Sayyid des fils d'Adam. Et là, dans le hadith, c'est le Sayyid, yani mutlaqan, min kulli shay. Thumma nukmil, ad-dayyan. Ad-dayyan, c'est celui qui rétribue. Celui qui rétribue. Qala l'imam Bukhari, rahmallahu ta'ala, an Jabir, an Abdullah ibn Unais, qala samitu al-Nabiyya, alayhi salatu wa salam, yakul, yakhshuru Allah al-ibad, يناديهم بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قرب عفوا من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان. Que selon le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Jabir ibn Abdullah, selon Abdullah ibn Unais, que le Nabi, qu'il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah azawajal va rassembler les serviteurs et va les appeler d'une voix qui sera entendue par les gens qui seront éloignés et par les gens qui seront proches. Et ce hadith est une preuve que Allah azawajal, il parle avec une voix que l'on entend. Min sifatihi as-sawt wal-kalam. Et il a dit, il dira ce jour-là, je suis le roi et c'est moi qui gratifie. Donc dans ce hadith, on a également le nom Al-Malik, qui est cité ici. Naam. Donc voilà. Donc là, l'auteur a réussi à rassembler 109 noms. Certains, il y a divergence. Et d'autres hadiths sont venus. Kazali, que l'auteur ne voit pas comme étant des noms, que d'autres gens, d'autres ulama ont vu comme étant un nom. Comme par exemple Al-Mursin. La suite, il y a un khilaf, Al-Mursin. Et d'autres. Mais en tout cas, tout cela démontre que le nom d'Allah Azawajal, qui ne sont pas revenus parmi les preuves, sont un nombre plus important que 99. Et comme on l'a expliqué, ça ne veut pas dire que tous les noms d'Allah Azawajal ne sont pas revenus. Comme dans le hadith qu'on avait dit dans les premiers dolos. Fi ilm al-ghayb, ista'tharta 'indak, fi ilm al-ghayb. Hein, que parmi les noms également que tu as gardés auprès de toi, dans la science de l'invisible. Non. Falhamdulillah, il a dit ta tambihi as-salihat. Et aujourd'hui, on a fini ce livre, bifalillahi ta'ala. Après à peu près 25 assises, 25 interventions. Et, biiznillah, on commencera dans les prochains cours. Je pense ouvrir le livre que j'avais déjà fait auparavant, mais qu'on va refaire ici. C'est le livre de Al-Hakami, yani Hafiz Al-Hakami, dans Miyat al-Suwal wa Jawab, qui sont 200 questions et réponses dans la Aqida. Inch'Allah, on le fera. Donc les gens qui ont le PDF, qui veulent se le procurer, ils peuvent le trouver sur le net, pour ceux qui ont l'arabe, ou qui savent lire un peu l'arabe, et les autres, eh ben, ils devront se contenter de la traduction. À part ce livre, il existe déjà traduit, je ne sais pas, je ne connais pas. Quant à moi, je baserai sur le livre d'origine, et je traduirai directement. Alors, yubalek fiikum, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.